Le livre de la vie. Hagiographie de Thérèse d'Avila. Chapitre 14. Second degré d'oraison, dans lequel Dieu fait goûter à l'âme des consolations plus particulières. Explication qui aide à comprendre comment ces faveurs sont déjà surnaturelles. Cela mérite une grande attention. J'ai dit combien il est pénible d'arroser le jardin en tirant de l'eau du puits à force de bras. Parlons maintenant de la seconde manière d'arroser, établie par le maître du jardin. Elle consiste à puiser l'eau à l'aide d'une noria, et à la distribuer par des conduits. Le jardinier en obtient ainsi une quantité plus grande, se fatigue moins, et jouit de quelques intervalles de repos. Mon dessein, en ce moment, est d'appliquer cette seconde manière à l'oraison appelée de quiétude. Ici l'âme commence à se recueillir et touche déjà au surnaturel. Jamais, en effet, avec toute l'activité de ses efforts, elle ne pourrait acquérir un bien si élevé. À la vérité, elle s'est fatiguée quelques instants en travaillant avec l'esprit, ou, si l'on veut, en tournant la roue pour remplir les canaux. Mais ici l'eau est plus à fleur de terre, ainsi, on la puise avec beaucoup moins de fatigue qu'en la tirant du fond d'un puits. Je dis que l'eau est plus à fleur de terre, parce que la grâce se fait plus clairement connaître à l'âme. Ses puissances se recueillent au-dedans d'elles-mêmes, afin de savourer plus délicieusement le plaisir dont elles jouissent. Ce n'est pourtant là ni une suspension, ni un sommeil spirituel, seule la volonté agit, sans savoir comment elle se rend captive. Elle donne simplement à Dieu son consentement afin qu'il l'emprisonne, sûre de tomber dans les fers de celui qu'elle aime. Ô Jésus, ô mon Maître, comme nous sentons ici la puissance de votre amour, il tient le nôtre tellement lié, qu'il ne lui laisse plus la liberté d'aimer en cet état autre chose que vous. L'entendement et la mémoire viennent au secours de la volonté, afin qu'elle se rende de plus en plus capable de jouir d'un si grand bien. Quelquefois néanmoins leur concours ne sert qu'à la troubler dans cette intime union avec Dieu, mais alors la volonté, sans se mettre en peine de leur importunité, doit se maintenir dans les délices et le calme profond dont elle jouit. Vouloir fixer ces deux puissances serait s'égarer avec elles. Elles sont alors comme des colombes qui, n'étant pas contents de la nourriture que le maître leur donne sans aucun travail de leur part, vont en chercher ailleurs, mais qui, après une vaine recherche, se hâtent de revenir au colombier. Ces deux puissances, d'eux-mêmes, vont et viennent dans l'espérance que la volonté leur fera part des délices qu'elles goûtent. Si le Seigneur leur jette un peu de cette céleste pâture, elles s'arrêtent. Sinon, elles vont de nouveau en chercher ailleurs. Elles se flattent de servir ainsi la volonté, en lui faisant, de concert avec l'imagination, la peinture de son bonheur. Mais souvent elles lui nuisent. La volonté devra donc se comporter à leur égard de la manière que je dirai. Dans tout le cours de cette oraison, la consolation est très vive, et le travail très léger. Elle peut durer longtemps, sans causer de fatigue. L'entendement agit par intervalles et d'une manière très paisible, il puise néanmoins beaucoup plus d'eau qu'il n'en tirait du puits dans l'oraison mentale. Les larmes que Dieu donne ici coulent délicieusement, d'elles-mêmes et sans aucun effort. Cette eau céleste est une source de biens et de faveurs inestimables aussi est-elle incomparablement plus efficace que l'oraison précédente pour faire croître les vertus. Déjà l'âme s'élève au-dessus de sa misère, et déjà Dieu lui donne quelques connaissances du bonheur de la gloire. Cette faveur, selon moi, la fait grandir davantage. Et approcher de plus près de la source de toutes nos vertus, c'est-à-dire de Dieu même. Non seulement notre Seigneur commence à se communiquer à cette âme, mais il veut qu'elle sente ce mode de communication. À peine arrivée là, elle perd soudain, et, il faut en convenir, sans grand mérite, le désir des choses de cet exil. Elle voit clairement qu'un seul instant de cette joie surnaturelle ne peut venir d'ici-bas, et que ni richesse, ni puissance, ni honneur, ni plaisir, ne saurait lui donner, l'espace même d'un clin d'œil. Ce contentement seul vrai, et seul capable, comme elle en a conscience, d'étancher sa soif de bonheur. En vain chercherait-elle à saisir ce contentement parfait dans les plaisirs de ce monde. Jamais ils ne sont sans mélange, mais dans cette joie spirituelle, nul mélange, tant qu'elle dure. La peine vient ensuite, il est vrai, mais c'est de la voir finir. En outre, l'âme sent son impuissance de la recouvrer, et elle en ignore les moyens. Elle aurait beau, en effet, se consumer de pénitence, d'oraison, de travaux, si le Seigneur ne veut pas la lui rendre, ses efforts seront inutiles. Ce grand Dieu veut que l'âme comprenne qu'il est près d'elle, qu'un ciel peut lui parler, sans envoyer des messagers et sans élever la voix, parce qu'à cause de sa proximité, il entend au moindre mouvement des lèvres. Ce langage peut paraître étrange, ne savons-nous pas, en effet, que Dieu nous entend toujours, puisqu'il est toujours avec nous, en cela, nul doute. Mais ce souverain, ce maître adorable veut ici nous donner une connaissance expérimentale de cette vérité, et nous révéler en même temps les effets de sa présence. Il fait éclater son dessein d'opérer d'une manière particulière dans notre âme, en versant en elle une grande satisfaction intérieure et extérieure, infiniment différente de tous les vains plaisirs d'ici-bas, et il comble ainsi, ce semble, le vide que nous avions fait en nous par nos péchés. L'âme goûte cette joie céleste au plus intime d'elle-même, mais sans savoir d'où ni comment elle lui est venue. Dans cet état, elle ignore souvent ce qu'elle doit faire, ou désirer, ou demander. Il lui semble avoir trouvé tout ce qu'elle pouvait désirer, mais elle ignore ce qu'elle a trouvé, et moi-même je ne sais, je l'avoue, comment en donner l'intelligence. Pour bien des choses, la science me serait nécessaire, je m'en servirais ici, par exemple, pour expliquer, en faveur d'un grand nombre de personnes qui l'ignorent, la nature du secours général ou particulier, je dirais comment le Seigneur veut que l'âme dans cette oraison, voit en quelque sorte de ses propres yeux ce secours particulier. Enfin, j'aurais besoin des lumières de la science pour une foule d'autres points, dans lesquels je me tromperai peut-être. Mais une chose me tranquillise et me rassure pleinement, c'est que mon écrit sera remis à des hommes capables de discerner l'erreur. Ils le jugeront quant à la doctrine et quant à l'esprit, et s'ils y trouvent quelque chose de mauvais, ils ne manqueront pas de le retrancher. Je désirerais donc donner l'intelligence de ces faveurs, parce que ce sont les premières et que, au moment où Dieu commence à les accorder à une âme, celle, si ne les comprend pas et ne sait comment se conduire, si Dieu l'amène par la voie de la crainte comme il fit à mon égard, elle aura cruellement à souffrir, à moins de trouver un maître qui comprenne son état. C'est un grand bonheur pour cette âme de voir la peinture de ce qu'elle éprouve, elle reconnaît clairement la voie où Dieu la met. Je dis plus, pour faire des progrès dans ces divers états d'oraison, il est d'un avantage immense de savoir la conduite à tenir en chacun d'eux. Pour moi, faute de cette connaissance, j'ai beaucoup souffert et perdu bien du temps, aussi. Je porte une grande compassion aux âmes qui, arrivées là, se trouvent seules. J'avais lu sur cette matière bien des livres spirituels, et ils l'expliquent peu, en vain d'ailleurs donnerait-il des explications très étendues. Si l'âme n'a point une grande expérience, elle aura beaucoup de peine à comprendre son état. Je souhaiterais ardemment que Dieu me fît la grâce d'exposer les effets de ses premières faveurs surnaturelles, par là on reconnaîtrait, autant du moins qu'on le peut ici-bas, quand elles viennent de l'Esprit de Dieu. Au reste, alors même que c'est lui qui agit, il est toujours bon de marcher avec crainte et avec une sage circonspection. L'esprit de ténèbres pourrait, en effet, se transfigurer quelquefois en ange de lumière. Si l'âme n'est pas très exercée, elle ne s'apercevra pas de l'artifice. Il faut, pour le démêler, avoir atteint le plus haut sommet de l'oraison. Mon peu de loisir ne seconde guère un travail de ce genre. Ainsi, c'est à notre Seigneur lui-même à prendre la plume à ma place. Le monastère où j'habite est de fondation toute récente, comme on le verra par mon récit. Outre les exercices de communauté que je suis, j'ai beaucoup d'autres occupations, aussi, manquant de ce calme tranquille qui me serait si nécessaire. Je n'écris qu'à la dérobée et à diverses reprises. Je désirais pourtant ce paisible loisir, parce qu'alors, dès que le Seigneur donne lumière, on s'exprime avec facilité, et l'on rend mieux ses pensées. C'est comme si l'on avait devant soi un modèle, on n'a qu'à le suivre, mais cette inspiration d'en haut vient-elle à manquer, il n'est pas plus possible, même après de longues années d'oraison, d'écrire en ce style mystique qu'en arabe. C'est pourquoi je regarde comme un très grand avantage, lorsque j'écris, de me trouver actuellement dans l'oraison dont je traite, car je vois clairement alors que ni l'expression ni la pensée ne viennent de moi, et quand c'est écrit, je ne puis plus comprendre comment j'ai pu le faire, ce qui m'arrive souvent. Revenons maintenant à notre jardin, ou à notre verger. Voyons comment les arbres commencent à se remplir de sève, pour fleurir et donner ensuite des fruits, comment les œillets et les autres fleurs se préparent d'eux-mêmes à répandre leur parfum. J'aime cette comparaison. À l'époque où, comme je l'espère de la bonté de Dieu, je commençais à le servir et à mener cette vie nouvelle qu'il me reste à décrire, je goûtais déjà un extrême plaisir à me représenter mon âme comme un jardin, et à suivre de l'œil le divin maître qui s'y promenait. Je le suppliais d'augmenter le parfum de ces petites fleurs, de ces vertus en germe qui avaient, ce semble, envie d'éclore. Ma prière n'avait en vue que sa gloire. Je le conjure ensuite de les cultiver pour lui uniquement et non pour moi, et de couper celles qu'il voudrait. J'étais bien sûr de les voir renaître avec plus de force et d'éclat. Je me sers à dessein de ce mot couper, parce qu'il arrive des temps où l'âme ne reconnaît plus en quelque sorte ce jardin, tout y semble flétri par la sécheresse. Le destiné à lui rendre la fertilité et la fraîcheur paraît tari sans retour, on dirait que cette âme ne posséda jamais de vertu. Le pauvre jardinier a beaucoup à souffrir. Dieu veut qu'il regarde comme un travail perdu tout ce qu'il a fait pour entretenir et arroser le jardin, c'est alors le temps de sarcler et d'arracher jusqu'à la racine les mauvaises herbes qui sont restées, quelque petites qu'elles soient. C'est aussi le moment de reconnaître l'inutilité de tous nos efforts dès que Dieu nous retire l'eau de sa grâce, et de faire peu de cas de notre néant, c'est trop peu dire, d'une misère bien au-dessous du néant. L'âme devient ainsi profondément humble, et le jardin voit de nouveau croître ses fleurs. Ô mon maître et mon bien, je ne puis, sans verser des larmes et éprouver une grande joie intérieure, dire quel est notre bonheur. Vous portez votre amour, Seigneur, jusqu'à vouloir être avec nous, comme vous êtes au Saint-Sacrement de l'autel. Je puis le croire, et je suis en droit de faire cette comparaison, puisque c'est la vérité. Oui, nous pouvons, Si nos fautes n'y mettent obstacle, goûtez auprès de vous la plus pure félicité, et vous-même, vous trouvez dans nos aimes un délicieux séjour, vous nous l'affirmez en disant, « Mes délices sont d'être avec les enfants des hommes. » Ô mon maître, quel mystérieux pouvoir dans cette parole, jamais, pas même au temps de mes plus grandes infidélités, je n'ai pu l'entendre qu'elle n'ait répandu dans mon cœur une vive consolation. Seigneur, peut-il se rencontrer une âme qui, comblée par vous de si étonnantes faveurs, honorée de vos caresses, et sachant que vous prenez vos délices en elle, vous offense de nouveau, après des grâces si élevées les gages d'un amour dont elle ne peut douter, puisqu'elle le voit à l'œuvre? Oui, il s'en rencontre une à qui cela est arrivé, non pas une fois, mais plusieurs, et cette âme est la mienne. Faites, Seigneur, que j'ai seul à me reprocher une si odieuse infidélité et un tel excès d'ingratitude, déjà, du moins, votre infinie bonté en a retiré quelque bien, et plus ma misère a été grande, plus elle fait resplendir la magnificence de vos miséricordes, à combien juste titre je puis les chanter à jamais, je vous en supplie, ô mon Dieu, qu'il en soit ainsi. Que ce cantique soit éternellement sur mes lèvres. Avec quelle grandeur vous avez daigné les faire éclater à mon égard. Ceux qui en sont témoins en restent saisis d'étonnement, et souvent j'entends moi-même ravi. Je puis mieux alors faire monter vers vous mes cantiques de louange, mais seul et sans vous, Seigneur, je ne serais capable de rien. Si ce n'est d'arracher ces fleurs que vous avez fait naître dans ce jardin, et de changer en un vil fumier, comme autrefois, cette misérable terre qui est mon âme. Ne le permettez pas, Seigneur, et daignez, je vous en conjure, sauver de sa perte une âme dont vous avez payé la rançon par tant de souffrances, que vous avez encore, depuis, tant de fois racheté et tant de fois enlevé des dents de l'effroyable dragon. Pardonnez-moi, mon père, cet écart apparent, et n'en soyez pas surpris, au fond, il va à mon sujet, ce que j'écris saisit si profondément mon âme, et les bienfaits de Dieu se présentent à moi d'une manière si vive, qu'il m'en coûte souvent beaucoup de ne pas publier encore davantage ses louanges. Vous ne m'en serez pas mauvais gré, je l'espère, nous pouvons tous deux, ce me semble, chanter le même cantique, à la vérité, ce sera d'une manière différente, mais d'elle étant plus grande que les vôtres, et notre Seigneur m'ayant pardonné beaucoup plus, comme vous le savez. Chapitre 15. Revenons maintenant à notre sujet. Cette quiétude et ce recueillement sont très sensibles à l'âme, par le bonheur et la paix qu'ils répandent en elle avec un grand contentement et repos des puissances, et de très suaves délices. L'âme, ne connaissant rien au-delà d'une telle jouissance, croit n'avoir plus rien à désirer, et elle dirait volontiers avec saint Pierre, « Seigneur, établissons ici notre demeure. » Elle n'ose ni remuer ni changer de place. Il lui semble que ce bonheur va lui échapper, quelquefois même, elle voudrait ne pas respirer, elle ne considère pas qu'étant dans une impuissance absolue de se procurer un tel bien par ses efforts, elle peut encore moins le retenir au-delà du temps fixé par la volonté du Seigneur. Je l'ai déjà dit, dans ce premier recueillement surnaturel et de quiétude, les puissances ne se perdent pas, l'âme se repose délicieusement en Dieu, la volonté lui demeure unie, en vain l'entendement et la mémoire s'égarent, leurs écarts ne troublent point cette tranquille et paisible union, la volonté conserve même assez d'empire sur ces deux puissances pour les faire entrer peu à peu dans le recueillement, sans être entièrement abîmée en Dieu. Elle est si occupée de lui, sans savoir comment, que tous les efforts de l'entendement et de la mémoire ne sauraient lui ravir sa joie ni ses délices. Que dis-je, sans le moindre effort. Elle travaille merveilleusement à entretenir cette petite étincelle de l'amour de Dieu, et à l'empêcher de s'éteindre. Daigne le Seigneur me faire la grâce d'expliquer ceci avec clarté. Il y a un très grand nombre d'âmes qui arrivent à cet état, mais celles qui passent plus avant sont rares, et je ne sais à qui en est la faute. Très certainement elle n'est pas du côté de Dieu. Pour lui, après avoir accordé une si haute faveur, il ne cesse plus, selon moi, d'en prodiguer de nouvelles, à moins que notre infidélité n'en arrête le cours. Il est donc souverainement important, pour l'âme élevée à cette oraison, de connaître sa grande dignité, et l'inestimable prix d'une telle grâce, et son obligation de n'être plus de cette terre, puisque Dieu, se semble, dans sa bonté, lui destine désormais le ciel pour demeure, pourvu qu'elle ne s'en rende pas indigne. Quel malheur ne serait ce point pour cette âme, si elle retournait en arrière, elle irait jusqu'au fond de cet abîme, sur la pente duquel je me trouvais moi-même, quand la miséricorde du Seigneur daigna me ramener. À mon avis, d'ordinaire on ne tombe de si haut que pour des fautes graves. Et l'aveuglement causé par un grand mal peut seul faire renoncer à un bien si précieux. Ainsi, je conjure, pour l'amour du Seigneur, les âmes élevées à cet état de se connaître, avec une humble et sainte présomption, qu'ils se tiennent en haute estime, pour n'être pas tentés de revenir aux viandes d'Égypte. Mais si, à cause de leur faiblesse, de leur malice, et de leur nature fragile et misérable, elles viennent à tomber comme je le fis, qu'elles aient du moins sans cesse devant les yeux la grandeur du bien perdu, qu'elles s'alarment, qu'elles craignent toujours d'aller de mal en pis si elles ne retournent à l'oraison. Cette crainte est légitime. Selon moi, la véritable chute pour ces âmes serait d'avoir en horreur la voix qui les avait mises en possession d'un si grand bien. En parlant ainsi, je ne prétends pourtant pas leur dire d'être impeccables et de vivre exemptes de fautes, sans doute. Après de telles faveurs, elles devraient veiller avec le plus grand soin pour éviter d'offenser Dieu, mais enfin, je fais la part de notre misère. Je leur recommande seulement de ne point abandonner l'oraison, parce qu'elles y trouveront lumière, repentir de leurs fautes, et force pour se relever, s'en éloigner serait courir un grand danger, elles peuvent en être convaincues. Je ne sais si j'entends bien ce que je dis, car, comme je l'ai fait observer, je juge des autres par moi-même. Cette oraison de quiétude est une étincelle, par laquelle Dieu commence à embraser l'âme de son véritable amour, et il veut, par les délices dont il l'inonde, qu'elle acquiert la connaissance de ce divin amour. Ce calme pur, ce recueillement, cette étincelle, produisent de grands effets quand c'est l'Esprit de Dieu qui agit sur l'âme, et quand la douceur qui la pénètre ne vient ni du démon ni de notre industrie. Au reste, si l'on a de l'expérience, il est impossible de n'être pas bientôt convaincu qu'un tel trésor est un pur don de Dieu, et ne s'acquiert pas, en vain, poussé par l'attrait naturel pour les choses agréables, nous essayons par tous les moyens de nous procurer ces délices. L'âme ne tarde pas à être toute froide. Elle a beau travailler à faire brûler ce feu dont elle voudrait sentir la douce chaleur, c'est comme si elle y jetait de l'eau pour l'éteindre, mais quand c'est Dieu qui allume l'étincelle, alors, toute petite qu'elle est, elle cause dans l'âme un vaste retentissement. Dès qu'elle n'est pas étouffée par l'infidélité à la grâce, elle commence à embraser l'âme d'un très ardent amour de Dieu. C'est un véritable incendie jetant au loin des flammes, comme je le dirai plus tard, et dont notre Seigneur consume les âmes parfaites. Cette étincelle est de la part de Dieu un gage de prédilection, et un signe qu'il choisit cette âme pour de grandes choses. Si elle s'y répondra de si haut dessein, c'est un don magnifique, et son excellence surpasse tout ce que je pourrais en dire. Aussi, grande est ma douleur quand parmi tant d'âmes qui, à ma connaissance, arrivent jusque là et devraient passer outre, j'en vois un si petit nombre qui le fasse, que j'ai honte de le dire. Je n'affirme pas d'une manière absolue que le nombre des âmes qui franchissent ce degré soit petit, ces âmes doivent être nombreuses, et elles nous attirent sans doute la protection de Dieu, mais je dis ce que j'ai vu. Je ne saurais trop exhorter ces âmes, qui semblent choisies de Dieu pour le bien spirituel d'un grand nombre d'autres, à ne pas enfouir un si précieux talent, surtout de nos jours, où les amis du Seigneur doivent être forts pour soutenir les faibles. Ceux qui découvrent en eux un pareil don de Dieu, peuvent à juste titre se considérer comme ses amis, si toutefois ils gardent, vis-à-vis de lui, les lois que le monde lui-même impose à toute véritable amitié, s'ils ne le font pas, qu'ils craignent, comme je l'ai dit, de se nuire à eux-mêmes, et Dieu veuille qu'ils ne nuisent qu'à eux seuls. L'âme, dans cette oraison de quiétude, doit se conduire avec douceur et sans bruit, j'appelle bruit, chercher avec l'entendement des pensées et des considérations pour rendre grâce de ce bienfait, et entasser les uns sur les autres ses péchés et ses fautes en preuve de son indignité. Tout cela se met alors au fond de l'âme, l'esprit vous le peint, la mémoire vous en tourmente. Quant à moi du moins, il est des moments où ces deux puissances me fatiguent beaucoup, et, quoique j'aie une faible mémoire, je ne puis la dompter. La volonté doit alors persévérer sagement dans son repos, et comprendre qu'on ne négocie pas avec Dieu au moyen d'efforts violents. Ce serait jeter imprudemment sur cette étincelle de gros morceaux de bois propres à l'éteindre. Convaincu de cette vérité, qu'elle dise humblement, « Seigneur, que puis-je faire ici ? Quel rapport entre une esclave et son maître, entre la terre et le ciel, ou d'autres paroles d'amour, qui se présentent d'elle-même ? Qu'elle soit bien pénétrée surtout de la vérité de ce qu'elle dit, et ne s'inquiète en aucune façon de l'entendement, qui n'est qu'un importun. Souvent, tandis qu'il s'égare, la volonté se verra dans cette union avec Dieu, et en jouira dans une paix profonde, comme elle tenterait en vain de le fixer en partageant avec lui son bonheur, au lieu d'aller à sa poursuite, elle fera mieux de l'abandonner à ses écarts, continuant à jouir de ses délices intérieurs, et se tenant recueillie comme une prudente abeille. Car si, au lieu d'entrer dans la ruche, les abeilles s'en allaient toutes à la chasse les unes des autres, comment le miel se ferait-il ? L'âme perdrait beaucoup en négligeant cet avis, surtout si l'entendement est subtil. Parvient-il tant soit peu à bien arranger son discours et à découvrir de belles raisons, il s'imagine faire quelque chose, et pourtant, la raison n'a ici qu'à bien comprendre qu'une telle faveur émane uniquement de la bonté de Dieu. De plus, nous voyant si près de notre Seigneur, nous devons lui demander des grâces, le prier pour l'Église, pour ceux qui se sont recommandés à nous, pour les âmes du purgatoire, et cela sans bruit de paroles, mais avec un vif désir d'être exaucé. Une telle prière comprend beaucoup, et obtient bien plus que toutes les considérations de l'entendement. La volonté se servira avec succès de certaines pensées, qui naissent de la vue même de son avancement spirituel, pour raviver l'amour dont elle brûle. Elle exprimera à Dieu, par quelques actes d'amour, son impuissance à répondre à la grandeur de ses bienfaits, mais en se gardant du prix de l'entendement, toujours ami des belles considérations. quelques petits brins de paille, et c'est encore décoré d'un trop beau nom ce qui vient de nous, jeté avec humilité dans ce feu divin, contribue beaucoup plus à l'enflammer qu'une grande quantité de bois. J'appelle ainsi ces raisonnements qui semblent si doctes, et qui, dans l'espace d'un credo, étoufferont la petite étincelle. Cet avis est excellent pour les savants qui me commandent d'écrire ceci. Tous, par la volonté de Dieu, sont parvenus à ce degré d'oraison, mais peu. Être leur arrive-t-il quelquefois de passer ces heures précieuses où ils sont avec Dieu, à faire des applications de l'Écriture? Sans doute, la science leur sera, avant et après, fort utile, mais pendant l'oraison elle leur est, à mon avis, peu nécessaire, elle ne sert qu'à refroidir la volonté. L'entendement se voit si près de la lumière, qu'il se trouve investi de ses clartés, et moi-même, malgré ma misère, je ne puis plus alors me reconnaître. Voici ce qui m'est arrivé dans cette oraison de quiétude. Quoique d'ordinaire je n'entende presque rien dans les prières latines et surtout dans les psaumes, souvent néanmoins je comprenais le verset latin comme s'il eût été en castillan, j'allais même plus loin. J'en découvrais avec bonheur le sens caché. J'ai dit que ces gens doctes doivent se tenir en garde dans l'oraison contre les applications de l'Écriture, j'accepte néanmoins les circonstances où ils devraient prêcher ou enseigner. Il est bien clair qu'ils peuvent alors se servir des lumières puisées dans l'oraison, pour venir au secours de pauvres ignorants comme moi. Cette charité, ce soin constant de l'avancement spirituel des âmes, uniquement en vue de Dieu, sont quelque chose de grand. Ainsi donc, dans ces moments de quiétude, les savants doivent laisser l'âme se reposer doucement en Dieu, son unique repos, et mettre la science de côté. Viendra un temps où elle servira et révélera tout son prix. Ils trouveront en elle un si puissant secours pour glorifier Dieu, que pour rien au monde ils ne voudraient ne pas l'avoir acquise. Mais devant la sagesse infinie, qu'ils veuillent m'en croire, un peu d'étude de l'humilité, un seul acte de cette vertu, valent mieux que toute la science du monde. Ce n'est pas alors le temps d'argumenter, mais de voir franchement ce que nous sommes, et de nous présenter avec simplicité devant Dieu, tandis qu'il s'abaisse jusqu'à souffrir l'âme auprès de lui. Malgré sa misère, il veut que cette âme se tienne à ses pieds, comme une petite ignorante, et en vérité, en sa présence, elle n'est pas autre chose. L'entendement s'agitera aussi pour rendre grâce en termes élégants et choisis, niais. En restant dans la paix, et en osant, comme le publicain, lever seulement les yeux, la volonté rend au Seigneur de plus dignes actions de grâce que l'entendement avec l'artifice de la rhétorique. Enfin, on ne doit pas entièrement abandonner ici l'oraison mentale, ni même, de temps en temps, certaines prières vocales, si l'âme a le désir ou le pouvoir d'en faire. Car lorsque la quiétude est grande, elle éprouve une peine extrême à parler. Il est facile, ce me semble, de distinguer quand c'est l'Esprit de Dieu qui agit, et quand cette douceur est un fruit de notre industrie, c'est-à-dire quand, à la suite d'un sentiment de dévotion que Dieu nous donne, nous voulons, comme je l'ai fait remarquer, passer de nous-mêmes à cette quiétude de la volonté. Dans ce dernier cas, elle ne produit aucun bon effet, disparaît très vite, et laisse dans la sécheresse. Le démon est-il l'auteur de ce repos? Une âme exercée le reconnaîtra, car il laisse de l'inquiétude, peu d'humilité, et peu de disposition aux effets que produit l'Esprit de Dieu. Enfin, il ne communique à l'entendement ni lumière, ni ferme adhésion à la vérité. Le démon ne peut faire ici que peu de mal, et il n'en fera même aucun, Si l'âme, comme je l'ai dit, rapporte à Dieu le plaisir et la suavité qu'elle goûte, et si Dieu seul est l'objet de ses pensées et de ses désirs, Dieu permettra même que le démon perde beaucoup en procurant à l'âme ce plaisir, car, dans la ferme croyance qu'il vient de Dieu, elle se sentira portée à revenir souvent à l'oraison, pour en jouir encore. Et si elle est vraiment humble, sans curiosité, sans attache aux consolations, même spirituelles, mes amis de la croix, elle ne tiendra pas grand compte des douceurs que le démon lui donne, mais il n'en sera pas ainsi pour les délices qui lui viennent de Dieu. Elle ne pourra s'empêcher de les estimer beaucoup. L'âme doit avoir à cœur de sortir bien humble de l'oraison et des consolations qu'elle y trouve. Si dans les joies et les délices que lui procure le démon, menteur par essence, elle tient cette conduite, l'esprit du mal, comprenant qu'il y perd, ne renouvellera pas souvent ses artifices. C'est pour cette raison et pour un grand nombre d'autres, que j'ai tant recommandé, en traitant du premier degré d'oraison et de la première eau qui arrose le jardin spirituel, de commencer par se détacher de toute espèce de contentement, et d'entrer dans la carrière avec une seule résolution, celle d'aider Jésus-Christ à porter sa croix. Il faut imiter ces bons chevaliers qui, sans solde, veulent servir leur roi, sur à l'avance de leur salaire. Pour cela, tenons nos regards élevés vers ce véritable et éternel royaume que nous voulons conquérir. Il est souverainement utile d'avoir ses pensées toujours présentes, surtout dans les commencements, plus tard, la rapide durée, le néant de toutes les créatures, le peu qu'est le repos dans cet exil, apparaissent avec une si vive clarté, qu'on a plutôt besoin d'en écarter le souvenir pour pouvoir supporter la vie. Ces considérations n'ont même rien que de très bas, aux yeux des âmes avancées dans les voies spirituelles. Elles regarderaient comme une honte et un déshonneur de ne quitter les biens de ce monde que parce qu'ils sont périssables, et quand ils devraient durer toujours, elles se réjouiraient de les quitter pour Dieu. Les joies de ce renoncement sont même d'autant plus grandes, que les âmes sont plus parfaites et les biens sacrifiés et plus durables. L'amour de Dieu a déjà atteint un haut degré dans ces âmes, et c'est lui qui leur inspire ces sentiments, mais pour ceux qui commencent, la considération des vérités fondamentales est de la plus haute importance, je leur conseille de ne pas les dédaigner, parce qu'elles sont pour eux la source de grands biens. Elles sont même nécessaires aux âmes les plus élevées dans l'oraison, en certains temps où Dieu veut les éprouver, et semble les abandonner. Je l'ai déjà dit et je voudrais qu'on en garde le souvenir, l'âme ne croit pas en cette vie à la manière du corps, bien que sa croissance soit réelle, comme nous l'affirmons avec vérité. En effet, un petit enfant qui grandit et qui arrive à la taille de l'homme fait, ne la perd plus pour reprendre celle du premier âge. Il n'en est pas de même pour l'âme, c'est du moins ce que notre Seigneur a fait éprouver à la mienne, car je ne le sais pas autrement. Son but est sans doute de nous humilier pour notre plus grand bien, et de nous forcer à nous tenir continuellement sur nos gardes, tant que nous vivons dans cet exil. En effet, durant ce pèlerinage, celui qui est le plus élevé est celui qui doit le plus craindre et le moins se confier en lui-même. Il vient des jours où ceux-mêmes qui ont fait à Dieu un don absolu de leur volonté, et qui, plutôt que de commettre une imperfection, se laisseraient torturer et subiraient mille morts, ont besoin de se servir des premières armes de l'oraison. Ils se voient attaqués de tentations et de persécutions si violentes, qu'il leur faut, pour éviter l'offense de Dieu et se garder du péché, considérer que tout finit, qu'il y a un ciel et un enfer, s'attacher enfin à des vérités de ce genre. Je reviens maintenant aux artifices du démon et aux douceurs qu'il procure. Et je dis que le moyen sûr de les éviter, c'est d'avoir, dès le début de la vie spirituelle, une énergique résolution d'aller toujours par le chemin de la croix, sans désirer les consolations intérieures. Le divin maître lui-même nous a montré ce chemin comme celui de la perfection, quand il a dit « Prends ta croix, et marche à ma suite ». Il est notre modèle, et en suivant ses conseils, dans l'unique but de lui plaire, nous n'avons rien à craindre. Au reste, l'âme connaîtra, par le profit qu'elle tire de ses délices, que le démon n'en est pas l'auteur, elle peut tomber encore, il est vrai, mais elle trouvera la preuve de l'action de Dieu en elle, dans sa promptitude à se relever, et dans les marques suivantes. Quand c'est l'Esprit de Dieu qui agit, il n'est pas nécessaire de chercher péniblement des considérations pour nous humilier et nous confondre. Le Seigneur lui-même enseigne et grave au fond du cœur une humilité vraie, et bien différente de celle que nous pouvons acquérir par nos faibles réflexions. Elle porte dans l'âme une lumière incomparablement plus vive, et la pénètre d'une confusion qui la réduit au néant. Dieu lui montre, avec une souveraine évidence, que de son fond elle ne possède aucun bien, et plus les grâces dont il la favorise sont grandes, plus cette vue est claire pour elle. Il allume dans l'âme un ardent désir de faire des progrès dans l'oraison et la fermit dans le dessein de ne jamais l'abandonner, quelles que soient les peines qui s'y rencontrent. Ces peines, elle les accepte à l'avance. De plus, il lui inspire une ferme confiance de son salut, mêlée pourtant d'humilité et de crainte. Il bannit bientôt la crainte servile, et met en sa place une crainte filiale, dans un bien plus haut degré de perfection. Cette âme voit, naître en elle un amour de Dieu très dégagé de tout intérêt propre, et elle soupire après les heures de la solitude pour mieux savourer les délices de cet amour. Enfin, pour ne pas me fatiguer à en dire davantage, une telle faveur est pour elle le principe de tous les biens. C'est la saison, les fleurs vont paraître dans leur éclat, il ne leur manque, pour ainsi dire, qu'un souffle pour s'épanouir, et cela, l'âme le voit d'une vue très claire. Il lui est impossible, dans ces heureux moments, de douter de la présence de Dieu en elle. Si cependant elle retombe dans ses fautes et ses imperfections, alors elle s'alarme de tout, et cette crainte lui est salutaire. Cependant, la ferme confiance que ces grâces viennent de notre Seigneur produit plus d'effet que toutes les craintes imaginables, sur certaines âmes naturellement amantes et sensibles aux bienfaits. Le souvenir des faveurs reçues est plus puissante pour ramener à Dieu des âmes ainsi faites que la plus vive peinture de tous les châtiments de l'enfer. C'est du moins ce qui éprouvait la mienne, quoiqu'elle fût si faible dans la vertu. Devant traiter avec plus d'étendue des marques du bon esprit, je n'en dis pas davantage ici. Si j'ai le bonheur d'en faire une exposition lumineuse, certes elle ne m'aura pas peu coûté, j'espère avec l'aide de Dieu, en écrire d'une manière assez juste, sans parler de ma propre expérience, qui m'a beaucoup appris. Je mettrai à profit les enseignements d'hommes vraiment éminents en sainteté comme en science, que j'ai consultés. On peut, avec une légitime assurance, s'en rapporter à leurs décisions, et de cette manière, les âmes élevées à cet état par la bonté du Seigneur, éviteront les angoisses que j'y ai rencontrées. Chapitre 16. Parlons maintenant de la troisième manière d'arroser ce jardin, en détournant le courant d'une rivière ou celle d'une source. Comme il n'y a qu'à la conduire, il en coûte beaucoup moins de peine. Notre Seigneur est dit si le jardinier d'une manière admirable, il prend en quelque sorte son office et fait presque tout. Cet état est un sommeil des puissances, où, sans être entièrement perdues en Dieu. Elles n'entendent pourtant pas comment elles opèrent. L'âme goûte incomparablement plus de bonheur, de suavité, de plaisir que par le passé. Enivrée de l'eau de la grâce que Dieu lui verse à longs traits, elle ne peut, elle ne sait plus ni avancer, ni reculer, elle n'aspire qu'à jouir de cet excès de gloire. On dirait une personne qui, soupirant après la mort, tient déjà en main le cierge béni, et n'a plus qu'un souffle à exhaler pour se voir au comble de ses désirs. C'est pour l'âme une agonie pleine d'inexprimables délices, où elle se sent presque entièrement mourir à toutes les choses du monde, et se repose dans la jouissance de son Dieu. Je ne trouve point d'autres termes pour peindre ni pour expliquer ce qu'elle éprouve. En cet état, elle ne sait que faire, elle ignore si elle parle, si elle se tait, si elle rit, si elle pleure. C'est un glorieux délire, une céleste folie où l'on apprend la vraie sagesse. Enfin, c'est pour elle une manière de jouir souverainement délicieuse. Depuis 5 ou 6 ans, je crois, Dieu m'a souvent donné en abondance cette oraison, mais, je dois le dire, je ne pouvais ni la comprendre, ni l'expliquer aux autres. Aussi avais-je résolu, quand j'en viendrais à cet endroit de ma relation, de n'en point parler, ou de n'en dire que très peu de choses. Il n'y avait pas là, je le comprenais fort bien, union parfaite de toutes les puissances avec Dieu, mais l'âme lui était évidemment plus unie que dans l'oraison précédente. Cependant, je ne pouvais discerner ni saisir en quoi consistait cette différence. Je crois, mon Père, être redevable de la lumière que Dieu m'a donnée, à l'humilité qui vous a porté à vouloir vous aider d'une simplicité aussi grande que la mienne. Le Seigneur m'a fait entrer aujourd'hui même dans cette oraison, au moment où je venais de communier. Il m'y a comme enchaîné, et il a daigné lui-même me suggérer ses comparaisons, il m'a enseigné la manière de parler de cet état, et ce que l'âme doit faire quand elle y est élevée. J'en ai été saisi d'étonnement, car j'ai tout compris en un instant. Je m'étais souvent vu en proie à ce délire et enivré de cet amour, sans jamais comprendre comment cela se faisait. Je reconnaissais visiblement l'action de Dieu, mais je ne pouvais saisir de quelle manière il opérait en moi. En effet, les puissances de l'âme sont presque entièrement unies à Dieu, mais elles ne sont pas tellement perdues en lui qu'elles n'agissent encore. Enfin, je viens d'en avoir l'intelligence, et j'en suis au comble du bonheur. Béni soit le Seigneur qui a bien voulu me ménager un tel plaisir. Les puissances de l'âme s'occupent entièrement de Dieu, sans être capables d'autre chose. Aucune d'elles n'ose remuer, et l'on ne peut les mettre en mouvement. Pour les distraire de cette occupation, il faudrait un grand effort, et encore on n'y parviendrait pas complètement. On s'épanche alors en louange à Dieu, mais sans ordre, à moins que le Seigneur lui-même n'en mette, car pour cela l'entendement est au moins inutile. L'âme, hors d'elle-même, agitée des plus doux transports, souhaiterait faire éclater sa voix en cantique de bénédiction. Déjà les fleurs entr'ouvrent leur calice, et répandent leur premier parfum. Ici, l'âme voudrait être vue de toutes les créatures et leur manifester sa gloire, afin de pouvoir, de concert avec elles, offrir à Dieu un plus beau sacrifice de louange. Elle brûle du désir de partager avec elles un bonheur sous le poids duquel elle succombe. Elle est comme la femme de l'Évangile, qui appelle ses voisines et les convie à partager sa joie, tels devaient être les transports du royal prophète, de David, quand il entonnait sur sa harpe des hymnes en l'honneur de Dieu. J'ai pour ce saint roi une grande dévotion, et je souhaiterais ardemment le voir ainsi honoré de tout, en particulier de ceux qui, comme moi, ont offensé le Seigneur. au ciel, que n'éprouve pas une âme lorsqu'elle en est là? Elle voudrait être toute convertie en langue pour louer le Seigneur, elle dit mille saintes folies, qui charme celui qui la met en cet état. Je connais une personne qui, pour peindre sa peine, improvisait alors, sans être poète, des vers pleins de sentiments. Ce n'était pas un travail de son esprit, mais une plainte qu'elle adressait à son Dieu, pour mieux jouir de la gloire où la plongeait une peine si délicieuse. Elle eût voulu que tout son être, corps et âme, éclatât, pour montrer au dehors l'excès de bonheur que lui causait cette peine. Il lui eût été doux alors d'affronter les plus cruels tourments pour son Dieu, une âme, dans cet état, voit clairement que les martyrs ne faisaient presque rien de leur part en endurant les supplices, parce que cette force leur venait d'une autre source, mais aussi quelle souffrance pour elles, lorsqu'elles se voient condamnées à vivre encore en ce monde, sous la loi de ses sollicitudes et de ses devoirs. On en jugera si l'on songe que tous les termes de comparaison employés par moi sont bien au-dessous de ces joies, dont Dieu daigne parfois l'enivrer en cet exil. Soyez à jamais béni, Seigneur, et que toutes les créatures chantent éternellement vos louanges, ô mon roi, exaucez en ce moment ma prière, puisque, par votre bonté et votre miséricorde, je suis encore, en écrivant ceci, possédé de cette sainte et céleste folie, puisque vous m'accordez, grand Dieu, une faveur dont je suis si indigne. Faites, je vous en supplie, que tous ceux avec qui j'aurai des rapports deviennent fous de votre amour, ou ne permettez point que je parle désormais à qui que ce soit. Préservez-moi, Seigneur, de tenir par le plus petit lien à ce monde, ou retirez-moi soudain de ce misérable séjour. Non, mon Dieu, votre servante il ne peut supporter plus longtemps le supplice de se voir sans vous, si elle doit vivre encore, elle ne veut pas de repos dans cette vie, et vous, Seigneur, gardez-vous de lui en donner. Cette âme voudrait déjà être libre. Le manger la tue, le dormir la tourmente, elle voit que le temps de la vie se passe à prendre mille soulagements, et que rien cependant ne peut désormais la satisfaire hors de vous. Elle vit, se semble, contre nature, puisqu'elle voudrait vivre, non en elle, mais en vous. Ô mon vrai maître et ma gloire, que la croix réservée par vous aux âmes qui arrivent à cet état est légère et pesante, légère, par sa douceur, pesante, parce qu'il est des temps où la plus invincible patience ne saurait la soutenir. Et toutefois, l'âme ne voudrait point en être déchargée, si ce n'est pour se voir avec vous, quand elle se souvient qu'elle n'a rien fait pour vous, et qu'en vivant elle peut vous rendre quelques services, elle voudrait porter une charge beaucoup plus pesante encore, et ne mourir qu'au dernier jour du monde. Avec quelle joie elle sacrifie son repos au bonheur de vous rendre le plus petit service. Elle ne sait que désirer, mais elle connaît bien que vous êtes l'unique objet de ses désirs. Ô mon fils, vous à qui j'adresse cette relation et qui m'avez commandé de l'écrire, gardez pour vous seul les passages où vous trouverez que je sors des bornes. Comment me serait-il possible de rester dans ma raison, quand le Seigneur me met hors de moi? S'il faut dire ma pensée, ce n'est plus moi qui parle depuis que j'ai communié ce matin, tout ce que je vois me semble un songe, et je ne voudrais voir que des malades du mal qui me possèdent. Je vous en supplie, mon Père, soyons tous insensés pour l'amour de celui qui pour nous a voulu passer pour tel. Vous dire que vous m'êtes dévoué, eh bien, je veux que vous m'en donniez la preuve, en vous disposant à recevoir de Dieu cette faveur. Hélas, j'en vois bien peu qui n'aient un excès de sagesse pour ce qui les touche. Peut-être suis-je moi-même en cela plus répréhensible que tous les autres. Je vous en conjure. Ne le souffrez pas, mon père, car vous êtes mon père, puisque vous êtes mon confesseur, et que je vous ai confié mon âme. Hâtez-vous de me détromper, et ne craignez pas de me dire la vérité. Avec cette pleine franchise si peu connue de nos jours, voici l'accord que je voudrais voir exister entre nous cinq, qui actuellement nous aimons en notre Seigneur, tandis que de nos jours d'autres se réunissent en secret pour former contre Jésus-Christ des complots et des hérésies. Je souhaiterais que nous eussions, nous aussi, de temps en temps nos réunions secrètes. Le but en serait de nous éclairer mutuellement, de nous dire ce que nous pourrions faire pour nous corriger, et pour servir Dieu d'une manière plus parfaite. Nul ne se connaît aussi bien qu'il est connu de ceux qui l'observent de l'œil de la charité, et avec la sollicitude du zèle pour son avancement. Ces réunions, comme je le disais, seraient secrètes, car, hélas, on n'use plus de cette sainte liberté de langage. Les prédicateurs eux-mêmes visent dans leurs discours à ne point déplaire. Leur intention est bonne, ainsi que leur conduite, je veux bien le croire. Mais enfin, de cette manière, ils convertissent peu de monde. Pourquoi ne sont-ils pas en plus grand nombre ? Ce que les sermons arrachent au vice public, savez-vous ce qu'il m'en semble ? C'est qu'il y a dans les prédicateurs trop de prudence mondaine, elle ne disparaît pas chez eux, comme chez les apôtres. Dans cette grande flamme de l'amour de Dieu, voilà pourquoi leurs paroles embrassent si peu les âmes. Je ne dis pas que leur feu doive égaler celui des apôtres, mais je voudrais le voir plus grand qu'il n'est. Voulez-vous savoir ce qui communiquait ce feu divin à la parole des apôtres ? C'est qu'ils avaient la vie présente en horreur, et foulaient aux pieds l'honneur du monde, quand il fallait dire une vérité et la soutenir pour la gloire de Dieu. Il leur était indifférent de tout perdre ou de tout gagner. Quiconque a tout hasardé pour Dieu domine également et les succès et les revers. Je ne dis pas que je suis tel, mais je voudrais bien l'être. Oh, de quelle magnifique liberté ne jouit pas celui qui regarde comme un esclavage d'avoir à vivre et à converser avec les humains d'après les lois du monde, dans l'espoir d'obtenir de Dieu une liberté si belle. Est-il un esclave qui ne doit être prêt à tout risquer pour se racheter, et pour revoler vers sa patrie ? Or, voilà le vrai chemin qui y conduit. Point de halte donc d'ici au dernier soupir, puisque la mort seule doit nous mettre en possession d'un pareil trésor, daigne le Seigneur nous soutenir de sa grâce, et nous faire arriver à ce terme. Veuillez, mon Père, si vous le jugez à propos, déchirez ces pages, ou les regardez comme une lettre que je vous écris, et pardonnez-moi, je vous prie, ma grande hardiesse. Chapitre 17. J'ai suffisamment parlé de ce troisième mode d'oraison, et de ce que l'âme doit faire, ou, pour mieux dire, de ce que le Seigneur opère en elle, car, prenant pour lui l'office de jardinier, il veut qu'elle s'abandonne uniquement à son bonheur. Il ne lui demande qu'un simple consentement aux grâces dont il la comble, et un abandon absolu au bon plaisir de la véritable sagesse. Il est certain qu'elle a besoin pour cela de courage, car parfois elle éprouve une joie si excessive, qu'il n'a plus, ce semble, qu'un faible lien à briser pour sortir de ce corps. Oh, quel bonheur de mourir ainsi ! Il faut alors, ainsi qu'il vous a été dit, mon père, s'abandonner sans réserve entre les bras de Dieu ? Veut-il emporter l'âme au ciel, qu'il y aille, en enfer ? Elle y va sans peine, étant avec son souverain bien. Faut-il mourir à l'instant même ? Faut-il vivre 1000 ans, la volonté de Dieu et son désir. Le Seigneur peut disposer d'elle comme d'un bien qui est à lui. Cette âme ne s'appartient plus, elle a fait à Dieu un don total et absolu d'elle-même. Qu'elle se décharge sur lui de toute sollicitude. L'âme peut accomplir tout cela, et beaucoup plus encore, dans une oraison si élevée, car ses actes en sont les effets ordinaires, et elle voit qu'elle les produit sans aucune fatigue de l'entendement. Seulement cette puissance me paraît comme stupéfaite de voir le Seigneur remplir si bien l'office de jardinier, et ne lui laisser d'autre travail que celui de respirer avec délice les premiers parfums des fleurs. Une seule visite, si courte qu'elle soit, suffit à un tel jardinier pour répandre sans mesure cette eau dont il est le créateur. En un instant, il enrichit l'âme de trésors qu'elle n'aurait peut-être pu amasser par tous les efforts de l'esprit, en 20 années de labeur. Ce céleste jardinier fait croître et mûrir les fruits, il vend que l'âme en cueille pour elle, mais il lui interdit d'en distribuer, jusqu'à ce qu'elle ait puisé dans cette nourriture une grande vigueur, sinon, elle serait exposée à tout dissiper en prodigalité, sans rien réserver pour son propre avantage, et, nourrissant à ses dépens des étrangers sans rien recevoir d'eux en retour, elle se verrait peut-être en danger de mourir de faim. Ceci sera parfaitement entendu des hommes éclairés qui liront cet écrit, et ils en feront l'application beaucoup mieux que je ne pourrais le faire en me fatiguant vainement. Cette oraison communique aux vertus une force supérieure à celle qu'elle tirait de l'oraison de quiétude, qui a précédé celle-ci. L'âme se voit toute changée, et, sans savoir comment, elle fait de grandes choses, grâce au parfum que répandent les fleurs, le Seigneur vient de leur commander de s'ouvrir, afin que l'âme puisse croire à ses vertus, mais en même temps, elle voit fort bien qu'elle était incapable de les acquérir en plusieurs années, et que, dans une si courte visite, le divin jardinier lui en a fait don. L'âme retire de cette oraison une humilité beaucoup plus grande et plus profonde que celle qu'elle avait auparavant, elle voit d'une manière plus évidente qu'elle n'a rien fait, si peu que ce soit, elle s'est contentée de donner le consentement de la volonté, en acceptant les grâces dont le Seigneur l'a favorisée. Cette manière d'oraison est, à mon avis, une union manifeste de l'âme tout entière avec Dieu. Seulement, Dieu permet aux puissances de l'âme de connaître ce qu'il opère de grand en elle et d'en jouir. Voici, mon Père, une nouvelle espèce d'union assez fréquente, et que Dieu m'a accordée, comme elle m'a jeté dans le plus profond étonnement. Je veux en parler en cet endroit, vous saurez du moins, quand il plaira au Seigneur de vous en favoriser, qu'une telle union est possible, vous en connaîtrez à l'avance les caractères. L'âme comprend que la volonté seule est liée à son Dieu, et elle goûte dans une paix profonde les délices de cette étroite union, tandis que l'entendement et la mémoire gardent assez de liberté pour s'occuper d'affaires, et s'appliquer à des œuvres de charité. Au premier abord, cet état semblerait le même que celui de l'oraison de quiétude, il y a cependant de la différence. Dans l'oraison de quiétude, l'âme n'ose faire le moindre mouvement, de peur de troubler la sainte oisiveté de Marie dont elle jouit. Mais dans l'union dont je parle, elle peut en même temps remplir l'office de Marthe. Ainsi elle mène en quelque sorte de front la vie active et la vie contemplative, et tout en restant unie à Dieu, elle peut s'occuper d'œuvres de charité, de lecture, et d'affaires relatives à son état. À la vérité, elle ne peut alors pleinement disposer de ses facultés, elle sent que la meilleure partie d'elle-même est ailleurs. Elle est comme une personne qui, s'entretenant avec une autre, et s'entendant adresser la parole par une troisième, ne prête des deux côtés qu'une attention imparfaite. L'âme sent avec joie et bonheur qu'elle est ainsi partagée, elle en a une vue très claire, et cet état la prépare admirablement à goûter une paix très profonde, dès qu'elle se trouvera seule et libre de toute affaire. Elle ressemble encore à quelqu'un dont l'appétit est satisfait, et qui, indifférent pour des mets vulgaires, mangerait cependant avec plaisir un mets délicat. L'âme, de même, satisfaite par le bonheur qu'elle possède en soi, n'a que du dédain pour tous les plaisirs du monde, qui n'ont pour elle aucun attrait, mais jouir plus encore de son Dieu, goûter davantage le bonheur de lui être unie, soupirer après l'accomplissement de ses désirs. Voilà ce qu'elle veut. Il est une autre sorte d'union qui n'est pas non plus une union entière, elle est cependant au-dessus de celle que je viens d'expliquer, mais inférieure à celle que j'ai d'abord décrite en parlant de cette troisième eau. Ce sera pour vous, mon Père, un véritable plaisir, lorsque le Seigneur vous les donnera toutes, si vous ne les avez déjà, de les trouver décrites ici, et de voir en quoi elles consistent. Recevoir de Dieu quelques faveurs est une première grâce. Connaître la nature du don reçu en est une seconde, enfin, c'en est une troisième de pouvoir l'expliquer et en donner l'intelligence. Il semblerait d'abord que la première devrait suffire, et cependant, si l'âme veut marcher sans trouble, sans crainte, avec courage dans le chemin du ciel, foulant aux pieds toutes les choses de la terre, il lui sera d'un très grand avantage de comprendre la nature des dons célestes. Celui qui a reçu ces grâces ne saurait trop remercier Dieu pour chacune d'elles, et celui qui ne les a pas reçues doit le bénir de les avoir accordées à quelque personne vivante, pour que nous en profitions nous-mêmes. Dans l'union dont je parle, et qui m'est très souvent accordée, Dieu s'empare de la volonté, et de l'entendement aussi, ce me semble, car cessant de discourir, il reste absorbé dans la jouissance et la contemplation de Dieu. Il découvre alors tant de merveilles, que l'une lui faisant perdre l'autre de vue, il ne peut s'attacher à aucune en particulier, et est incapable d'en rien faire connaître. Quant à la mémoire, elle reste libre, et apparemment, l'imagination se joint à elle. Comme elle se trouve seule, il n'est pas croyable quelle guerre elle fait à l'entendement et à la volonté, pour troubler leur repos. Pour moi, j'en suis excédé, et je l'ai en horreur. Souvent, je supplie Dieu de me l'ôter dans 16 heures de bonheur, si elle doit m'être si importune. D'autres fois je lui dis, quand donc, mon Dieu, les puissances de mon âme, au lieu de subir ce cruel partage qui ne me laisse pas maîtresse de moi-même, s'occuperont-elles toutes de concert à célébrer vos louanges? Je découvre alors quel mal nous a fait le péché. C'est lui qui empêche notre volonté d'être toujours occupée de Dieu comme elle en aurait le désir. Aujourd'hui encore j'ai eu à soutenir ces combats intérieurs, assez fréquents chez moi, aussi le souvenir m'en est bien présent. Je sentais mon âme consumée du désir de se voir unie au divin objet qui la possède presque tout entière. Inutiles efforts. La mémoire et l'imagination me livraient une guerre trop acharnée. Mais, manquant du concours de l'entendement et de la volonté, si elles troublent l'âme elles ne peuvent lui faire de mal, elles restent impuissantes pour nuire, et sont dans une mobilité continuelle. Comme l'entendement demeure totalement étranger à ce qu'elle lui représente, elle ne s'arrête à rien, et passe incessamment d'un objet à l'autre. Semblable à ces petits papillons de nuit importuns et inquiets, qui ne font qu'aller et venir sans jamais se fixer. Cette comparaison peint de la manière la plus fidèle ce qui se passe alors, car, si ces petits insectes n'ont aucune puissance de nuire, Il ne laisse pas d'être importun. À cela je ne connais point de remède, si Dieu m'en avait enseigné, je m'en servirais bien volontiers, tant j'ai à souffrir sous ce rapport. Dans cet état de l'âme se révèle bien clairement et notre misère et le souverain pouvoir de Dieu, puisque dans le temps même où la mémoire, qui reste libre, nous cause tant de dommages et de fatigues, l'entendement et la volonté, par leur union avec Dieu, nous font goûter un si profond repos. L'unique remède que j'ai découvert, après une lutte pénible de plusieurs années, et celui que j'ai indiqué en parlant de l'oraison de quiétude, c'est de ne pas faire plus de cas de l'imagination que d'une folle, et de l'abandonner à son thème, Dieu seul pouvant l'en retirer. Après tout, elle n'est ici qu'une esclave, il faut la supporter comme Jacob supportait Lia, puisque Dieu, dans sa bonté, nous a donné Rachel. Je dis qu'elle reste esclave, parce qu'elle ne peut, malgré tous ses efforts, entraîner les autres puissances. Souvent, au contraire, celle-ci la ramène à elle sans aucun travail. Dieu, de temps en temps, voit d'un œil de compassion son égarement, ses inquiétudes, son désir ardent d'être réuni à l'entendement et à la volonté, et il lui permet de venir se brûler à la flamme de ce flambeau divin qui déjà a consumé ces deux puissances, et leur a en quelque sorte enlevé leur être naturel, pour les faire jouir surnaturellement de bien d'un si haut prix. Dans toutes ces manières dont la troisième eau arrose le jardin, la gloire et la paix de l'âme sont si grandes, que le corps partage visiblement le bonheur et le plaisir dont elle est comblée, cet effet est très sensible, et quant aux vertus, elles y puissent ce degré de vigueur dont j'ai déjà parlé. Le Seigneur semble l'avoir voulu se servir de moi pour faire connaître, autant du moins qu'il est possible en cette vie, les différents états où l'âme se voit élevée dans cette oraison. Vous pourrez, mon père, conférer de cet écrit avec quelques personnes spirituelles et savantes qui soient arrivées jusqu'à cette union. Si elles l'approuvent, croyez que c'est Dieu qui vous a parlé par mon organe, et ne manquez pas de lui en rendre les plus vives actions de grâce. Un jour, je me plais à vous le redire, vous éprouverez un grand plaisir à comprendre ce que sont en elles-mêmes des faveurs si élevées, supposez que Dieu vous les ait déjà accordées, au moins dans le premier degré, mais sans vous en donner l'intelligence, avec un esprit tel que le vôtre et une science aussi profonde, il vous suffira de ce que je viens d'écrire pour acquérir cette lumière. Le Seigneur soit béni et loué dans les siècles des siècles. Amen. Chapitre 18. Daigne le Seigneur m'inspirer des paroles, afin que je puisse dire quelque chose de la quatrième eau qui arrose le jardin. Son secours m'est ici bien plus nécessaire encore que pour la précédente. En effet, dans l'oraison que j'ai appelée la troisième eau, l'âme sent qu'elle n'est pas entièrement morte, nous pouvons nous servir de ce terme, parce qu'elle est réellement morte au monde, mais, comme je l'ai dit, elle est assez à elle-même pour se voir dans l'exil et pour sentir sa solitude, elle peut s'aider de l'extérieur pour donner à entendre, au moins par des signes, ce qu'elle éprouve. Dans toutes les précédentes manières d'oraison, il faut que le jardinier travaille, à la vérité, son travail, dans les dernières dont j'ai parlé, est accompagné de tant de charme et de gloire qu'il voudrait le voir durer toujours, c'est moins un travail qu'un avant-goût de la gloire céleste. Mais dans ce nouvel état dont je parle, tout sentiment cesse, l'âme est absorbée par la jouissance, sans comprendre ce dont elle jouit. Elle sent qu'elle jouit d'un bien qui enferme en lui seul tous les biens, et toutefois la nature de ce bien reste incompréhensible pour elle. Tous les sens sont tellement occupés par cette jouissance, que nul d'entre eux ne peut, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, s'appliquer à autre chose. Auparavant il leur était permis, comme je l'ai dit, de donner quelques signes de l'excès de leur bonheur, ici, le plaisir qui inonde l'âme est sans comparaison plus grand, et peut bien moins se manifester. L'âme et le corps sont également impuissants à le communiquer. Tant qu'il dure, toute occupation étrangère serait un grand embarras, un tourment, et un obstacle à un si doux repos. Je dis plus, quand toutes les puissances sont ainsi unies à Dieu, l'âme ne pourrait, quand même elle le voudrait, s'occuper d'autre chose, et si elle en était capable, cette union n'existerait pas. Quant à la nature et au mode de cette oraison qu'on appelle union, je ne saurais les faire comprendre. L'explication s'en trouve dans la théologie mystique, et moi j'ignore jusqu'au terme de cette science. Je ne sais pas non plus ce qu'est en soi l'intelligence, ni l'esprit, ni comment il diffère de l'âme, ce n'est à mes yeux qu'une seule chose. L'âme, il est vrai, sort quelquefois d'elle-même, semblable à un feu qui, en brûlant, jette des flammes, l'activité du feu redouble-t-elle avec impétuosité, alors aussi la flamme s'élance bien au-dessus du brasier, mais elle n'est pas d'une autre nature, et c'est toujours la flamme du foyer. Instruit comme vous l'êtes, mes pères, vous comprendrez facilement ceci, quant à moi, je ne saurais en dire davantage. Ce que je prétends exposer ici, c'est ce que l'âme sent dans cette divine union, l'union, comme on le sait, est l'état de deux choses qui, auparavant séparées, n'en font plus qu'une. Ô mon Seigneur, que vous êtes bon, soyez béni à jamais, que toutes les créatures vous louent, ô Dieu qui nous avez tant aimés. Nous pouvons donc parler avec vérité de ces communications que vous daignez, dès cet exil, entretenir avec les âmes, vous donner de la sorte, même à celles qui sont justes, c'est déjà une largesse, une magnanimité bien grande, digne de vous enfin qui donnez en Dieu. Ô libéralité infinie, que vos œuvres sont magnifiques, elles jettent dans l'étonnement tout esprit assez libre des vanités de la terre pour le recevoir la lumière de la vérité, mais vous voir accorder des grâces si souveraines à des âmes qui vous ont tant offensé, c'est là ce qui confond mon esprit. Quand j'y pense, je ne saurais passer plus avant, d'ailleurs, où pourrais-je aller? Sans revenir en arrière, je voudrais vous remercier de la magnificence de vos dons, et je ne sais comment, quelquefois je me soulage en disant des folies, incapable de rien faire quand mon âme jouit de ces hautes faveurs, souvent, quand elles sont passées, ou lorsque Dieu commence à me les prodiguer, je lui dis, « Seigneur, prenez garde à ce que vous faites. » Ne perdez pas sitôt le souvenir de mes si grandes offenses. Vous avez voulu les oublier afin de m'en accorder le pardon, mais je vous supplie d'en garder la mémoire pour modérer vos largesses. Ne mettez pas, ô mon Créateur, une liqueur si précieuse dans un vase brisé, d'où vous l'avez vu tant de fois se répandre. Ne déposez pas un semblable trésor dans un cœur où le désir des consolations humaines n'est pas encore, comme il devrait l'être, entièrement éteint, bientôt il l'aurait follement dissipé. Comment confiez-vous les forces de cette cité et les clés de la forteresse à un gouverneur slash, au premier assaut des ennemis, il leur en livrera l'entrée? Que votre amour, aura éternel n'aille pas jusqu'à exposer des joyaux d'un si grand prix. Vous semblez, mon divin maître, donner sujet d'en faire peu d'estime, en les mettant au pouvoir d'une créature si infidèle, si abjecte, si faible, si misérable, si chétive. Quand bien même, par une de ces grâces puissantes telles qu'il les faut à ma faiblesse, Je serai assez heureuse pour ne pas les perdre. Je suis toujours dans l'impuissance de faire part de mon trésor à qui que ce soit. Enfin, je suis femme, encore, si j'étais bonne, mais je suis l'imperfection même. Dans une terre aussi stérile, les talents ne sont pas seulement cachés, ils sont enfouis. Vous n'avez pas coutume, Seigneur, d'accorder à une âme de si magnifiques faveurs, si elle ne doit point les faire tourner au profit d'un grand nombre d'autres. Vous le savez, mon Dieu, souvent, du plus intime de mon cœur, je vous ai adressé une prière, et je vous l'adresse encore en ce moment. Privez-moi, je le désire, du plus grand bien qu'il soit possible de posséder sur la terre, et, dans l'intérêt de votre gloire, donnez-la des âmes qui en feront meilleur usage. C'est en ces termes, ou en d'autres semblables, qu'il m'est souvent arrivé de parler à notre Seigneur. Je m'apercevais ensuite de mon ignorance et de mon peu d'humilité. Mieux que nous le divin maître sait ce qui nous convient, et il avait vu sans doute que j'étais trop faible pour me sauver, s'il ne m'eût fortifié par de si grandes faveurs. Mon dessein est encore de signaler les grâces et les effets que cette oraison laisse dans l'âme, de dire ce qu'elle peut en cela faire par elle-même, et si elle est capable de quelque chose pour s'élever à un état si sublime. C'est ici qu'a lieu quelquefois le vol de l'esprit ou l'adhésion à l'amour céleste. À mon avis, ce vol de l'esprit est distinct de l'union dans laquelle il se produit. À la vérité, il semblera à ceux qui ne l'ont pas éprouvé qu'il n'y a point de différence, mais quant à moi, tout en admettant que ces deux grâces sont au fond une même chose, je dis que le Seigneur opère dans l'un et dans l'autre d'une manière différente, et que, par le vol d'esprit, il communique à l'âme un détachement beaucoup plus grand des créatures. J'ai reconnu clairement que l'élévation de l'esprit était une faveur particulière, bien qu'il semble en apparence, je le répète, qu'elle ne diffère point de l'union. Qui ne voit la différence qui existe entre un grand feu et un petit, et cependant l'un est feu aussi bien que l'autre. Mais avant qu'un petit morceau de fer s'embrase dans un petit feu, il faut beaucoup de temps, qu'on jette dans un grand feu un fer d'une dimension même beaucoup plus grande, en très peu de temps il semble dépouiller sa nature, il existe, je crois. Une différence analogue entre ces deux grâces du Seigneur. Je suis sûr que ceux qui auront eu des ravissements comprendront bien ce que je veux dire, mais les autres le prendront pour une rêverie, et à juste titre peut-être. En effet, qu'une personne de ma sorte s'égare en voulant traiter un tel sujet, et faire entendre ce dont, faute de termes, il semble impossible de donner la première idée, il n'y aurait rien d'étonnant. Heureusement, mon divin maître le sait, si j'écris, c'est par obéissance d'abord, et ensuite par un ardent désir de prendre les âmes au charme d'un bien si élevé. Aussi, j'ai la confiance que Sa Majesté viendra à mon secours. Je ne dirai rien au reste dont je n'ai une grande expérience. Voici un fait certain. Lorsque je voulus commencer à traiter de cette dernière eau, je vis que cela m'était plus impossible que de parler grec. Arrêté par une pareille difficulté, je laissai là mon écrit, et je m'en allai communier. Béni soit le Seigneur qui favorise ainsi les ignorants. Ô vertu d'obéissance, que tu es puissante, Dieu éclaira mon entendement. Tantôt par des paroles, et tantôt en me mettant dans l'esprit la manière dont je devais m'exprimer. Sa divine majesté veut à ce que je vois, dire elle-même. Pour cette oraison comme pour la précédente, ce que je suis incapable de comprendre et d'écrire, comme ce que je dis est très véritable, il est clair que ce qu'il y aura de bon dans ces pages émanera d'elle, et que ce qu'il y aura de mauvais viendra de moi, c'est-à-dire d'un océan de misère. Au reste, si des personnes élevées par le Seigneur à ces états d'oraison où il a daigné me faire arriver malgré ma misère, et ces personnes sont sans doute nombreuses, si, dis-je, quelques-unes d'entre elles, craignant d'être hors du vrai chemin, désiraient en conférer avec moi, le divin maître, j'en ai la ferme confiance, accorderait à sa servante la grâce de leur faire connaître la vérité. Maintenant que nous parlons de cette eau, qui vient du ciel avec abondance pour pénétrer et abreuver tout ce jardin, on voit déjà de quel repos jouirait le jardinier, si le Seigneur la versait ainsi toutes les fois qu'il en ait besoin. Et si, grâce à un temps toujours tempéré qui remplacerait l'hiver, le jardinier voyait, à toutes les saisons, les fleurs et les fruits embellir son jardin, quel plaisir ne goûterait-il pas? Mais, tant que dure notre vie, cela est impossible. Il faut toujours veiller, et se mettre à l'œuvre quand une eau tarie, pour la remplacer par une autre. Cette eau céleste dont je parle tombe souvent quand le jardinier y pense le moins. Dans les commencements, il est vrai, c'est presque toujours à la suite d'une longue oraison mentale. Dieu se plaît d'abord à faire monter l'âme vers lui de degré en degré. Ensuite il prend cette petite colombe, et la met dans le nid, afin qu'elle s'y repose. L'ayant vu longtemps soutenir son vol, travaillant de toutes les forces de l'entendement et de la volonté à chercher son Dieu et à lui plaire, il veut lui donner sa récompense. Un seul instant de ce repos divin suffit pour la payer de tous les travaux qu'elle peut endurer ici-bas. Tandis qu'elle cherche ainsi son Dieu, l'âme se sent, avec un très vif et très suaf plaisir, défaillir presque tout entière, elle tombe dans un espèce d'évanouissement, qui peu à peu, enlève au corps la respiration et toutes les forces. Elle ne peut, sans un très pénible effort, faire même le moindre mouvement des mains. Les yeux se ferment, sans qu'elle veuille les fermer, et si elle les tient ouverts, elle ne voit presque rien, elle est incapable de lire, en eût-elle le désir, elle aperçoit bien des lettres. Mais comme l'esprit n'agit pas, elle ne peut ni les distinguer ni les assembler quand on lui parle, elle entend le son de la voix mais elle ne comprend pas ce qu'elle entend. Ainsi, elle ne reçoit aucun service de ses sens. Elle trouve plutôt en eux un obstacle qui l'empêche de jouir pleinement de son bonheur. Elle tâcherait en vain de parler, parce qu'elle ne saurait ni former ni prononcer une seule parole, toutes les forces extérieures l'abandonnent. Sentant par là croître les siennes, elle peut mieux jouir de sa gloire, elle éprouve aussi au dehors un grand plaisir, qui se manifeste d'une manière très visible. Quelque temps que dure cette oraison, jamais elle ne nuit à la santé. Il en a été du moins ainsi pour moi, je ne me souviens point d'avoir reçu de Dieu une telle faveur même au plus fort de mes maladies, sans en éprouver un mieux très sensible. Et comment un si grand bien pourrait-il causer du mal? Cette grâce montrant ses effets extérieurs d'une manière si éclatante, peut-on douter qu'elle n'exerce sur le corps même une heureuse influence, et si elle lui enlève les forces par l'excès de plaisir, ce n'est que pour lui en laisser ensuite de plus grandes? À la vérité, si j'en juge pas mon expérience, cette oraison est dans les commencements de si courte durée, qu'il ne se révèle pas d'une manière aussi manifeste par les marques extérieures et par la suspension des sens, mais par l'abondance des grâces dont elle enrichit. On voit évidemment que le feu du soleil qui a éclairé l'âme a dû être bien ardent, puisqu'il l'a ainsi liquéfié. Il est à remarquer, du moins à mon avis, que cette suspension de toutes les puissances ne dure jamais longtemps. C'est beaucoup quand elle va jusqu'à une demi-heure, et je ne crois pas qu'elle m'ait jamais tant duré. Il faut l'avouer pourtant, Il est difficile d'en juger puisqu'on est alors privé de sentiments. Je veux simplement constater ceci. Toutes les fois que cette suspension générale a lieu, il ne se passe guère de temps sans que quelqu'une des puissances revienne à elle. La volonté est celle qui se maintient le mieux dans l'union divine. Mais les deux autres recommencent bientôt à l'importuner. Comme elle est dans le calme, elle les ramène et les suspend de nouveau, elles demeurent ainsi tranquilles quelques moments, et reprennent ensuite leur vie naturelle. L'oraison, avec ses alternatives, peut se prolonger et se prolonge de fait pendant quelques heures. Une fois enivrées de ce vin céleste qu'elles ont goûté, ces deux puissances font volontiers le sacrifice de leur activité naturelle. Pour savourer un bonheur beaucoup plus grand, dans ce but, elles s'unissent à la volonté, et les trois puissances jouissent alors de concert. Mais cet état de suspension complète, sans que l'imagination, selon moi également ravie, se porte à quelque objet étranger, est, je le répète, de courte durée. J'ajoute que les puissances ne revenant à elles qu'imparfaitement, elles peuvent rester dans une sorte de délire l'espace de quelques heures, pendant lesquelles Dieu, de temps en temps, les ravit de nouveau en lui. Venons maintenant aux sentiments intérieurs de l'âme dans cet état, que celui qui les connaît nous les dise, car notre entendement ne pouvant les comprendre, comment pourrait-il les exprimer? Sortant de cette oraison, et me préparant, après avoir communié, à écrire sur ce sujet, je cherchais dans ma pensée ce que l'âme pouvait faire pendant ce temps. Notre Seigneur me dit ces paroles. Elle se perd tout entière, ma fille, pour entrer plus intimement en moi, ce n'est plus elle qui vit, c'est moi qui vis en elle. Comme elle ne peut comprendre ce qu'elle entend, c'est ne pas entendre, tout en entendant. Ceux que Dieu a élevés à cet état auront quelque intelligence de ce langage, ce qui se passe alors est si caché, qu'on ne saurait en parler plus clairement, j'ajouterai seulement ceci, l'âme se voit alors près de Dieu, et il lui en reste une certitude si ferme, qu'il ne peut concevoir le moindre doute sur la vérité d'une telle faveur. Ici, toutes les puissances perdent leur activité naturelle, et sont tellement suspendues, qu'elles n'ont absolument aucune connaissance de leurs opérations. Si l'on méditait auparavant sur quelque mystère, il s'efface de la mémoire comme si jamais on y avait pensé. Si on lisait, on perd tout souvenir de sa lecture, et on ne peut plus y fixer l'esprit. Il en est de même pour les prières vocales. Cet importun papillon de la mémoire voit donc ici ses ailes brûler, et il n'a plus le pouvoir de voltiger çà et là. La volonté est sans doute profondément occupée à aimer, mais elle ne comprend pas comment elle aime. Quant à l'entendement, s'il entend, c'est par un mode qui lui reste inconnu, et il ne peut rien comprendre de ce qu'il entend. Pour moi, je ne crois pas qu'il entende, parce que, comme je l'ai dit, il ne s'entend pas lui-même. Au reste, c'est là un mystère où je me perds. J'étais, au commencement, dans une telle ignorance, que je ne savais pas que Dieu fût dans tous les êtres, cette présence que je sentais si intime me paraissait impossible, d'un autre côté, croire qu'il ne fût point là, je ne le pouvais, car il me semble avoir compris clairement qu'il était là lui-même. Des gens qui n'étaient pas doctes me disaient qu'il s'y trouvait seulement par sa grâce. Persuadé du contraire, je ne pouvais me rendre à leurs sentiments, et j'en avais de la peine. Un très savant théologien de l'ordre du glorieux Saint Dominique me tira de ce doute, il me dit que Dieu était réellement présent dans tous les êtres, et il m'expliqua de quelle manière il se communique à nous, ce qui me remplit de la plus vive consolation. Il y a ici une remarque à faire. Et une vérité dont on doit se pénétrer, c'est que cet eau du ciel, cette faveur insigne de Dieu, laisse toujours dans l'âme de très grandes richesses spirituelles, ainsi que je vais le dire. Chapitre 19. Cette raison et cette union laissent l'âme remplie d'une ineffable tendresse pour Dieu, elle voudrait mourir, non de peine, mais de la douceur même des larmes qu'elle répand. Elle se trouve baignée de ses larmes, mais elle ne les a pas senties couler, elle ne sait ni quand ni comment elle les a répandues. Elle éprouve un indicible plaisir à voir cette eau, tout en calmant l'impétuosité du feu qui la dévore, l'augmenter au lieu de l'éteindre. Ceci peut paraître de l'arabe, mais se passe néanmoins de la sorte. Dans ce degré de raison, il m'est quelquefois arrivé de me trouver tellement hors de moi, que j'ignorais si la gloire dont j'avais été rempli était une réalité en un songe. Je me voyais tout inondé de larmes, elles coulaient sans douleur, mais avec une étonnante impétuosité. On eût dit que cette nuée du ciel les laissait échapper de son sein. Je reconnaissais alors que ce n'avait pas été un songe. Ceci avait lieu dans les commencements, alors que cette oraison était de courte durée. L'âme se sent un tel courage, que si en ce moment on mettait son corps en lambeaux pour la cause de Dieu, elle en éprouverait la plus vive consolation. C'est l'heure des promesses et des résolutions héroïques, des désirs véhéments, de l'horreur du monde, et de la clair-vue de son néant. Une faveur d'un tel ordre fait entrer l'âme dans un état beaucoup plus élevé que les oraisons précédentes. Elle en demeure plus profondément humble, car elle voit à la clarté même de l'évidence qu'elle n'a donné aucun concours à une faveur si excessive et si grandiose, et qu'elle n'a rien pu faire ni pour l'attirer ni pour la retenir. Elle reconnaît clairement sa totale indignité, qui ne peut pas plus échapper à son regard que des toiles d'araignée ne peuvent se dérober à la vue, dans un appartement où le soleil donne en plein. Elle voit toute sa misère, elle est si éloignée de la vaine gloire, qu'il lui semble impossible de jamais en concevoir. Elle a vu de ses propres yeux la faiblesse ou plutôt l'inutilité complète de ses efforts, à peine a-t-elle consenti à une si haute faveur. Malgré elle, pour ainsi dire, on a fermé la porte au sens, afin qu'elle pût jouir plus parfaitement de son Dieu. Elle reste seule avec Dieu, et, la quête est l'affaire, sinon de l'aimer. Elle ne voit plus, elle n'entend plus rien, à moins de se faire une extrême violence, et il faut l'avouer, elle n'a pas à cela grand mérite. Le tableau de sa vie passée et de la grande miséricorde de Dieu s'offre à elle dans toute sa vérité. L'entendement n'a pas besoin de se mettre en quête de lui fournir des aliments. Elle trouve tout à prêter les mets dont elle doit se nourrir, elle voit qu'elle mérite l'enfer et qu'on la châtie avec de la gloire. À cette vue, elles se font en louange de Dieu, ainsi que je voudrais moi-même le faire en ce moment. Soyez béni, Seigneur, qui avez tiré d'une piscine aussi bourbusque mon âme, une eau assez limpide pour être servie à votre table. Soyez loué à jamais, ô vous, délices des anges, qui daignez élever de la sorte un ver de terre aussi abject que moi. 16 avantages se font sentir pendant quelque temps à l'âme, pleinement convaincue que les fruits du jardin ne viennent pas d'elle. Elle peut désormais commencer à les distribuer sans crainte de s'appauvrir. Elle fait connaître par divers signes les trésors du ciel dont elle est enrichie, elle souhaite les partager avec d'autres, et demande à Dieu de n'être pas seule à les posséder. Déjà elle travaille au bien spirituel du prochain, sans presque s'en apercevoir et sans rien faire d'elle-même dans ce but, mais les autres le comprennent parfaitement, car les fleurs de ce jardin exhalent un parfum si doux, qu'ils désirent le respirer de près. Ils se rendent compte que cette âme est ornée de vertus, Ils sont charmés de la beauté des fruits qu'elle renferme en elle-même. Ils voudraient s'en nourrir comme elle. Si la terre qui porte ses fruits est profondément sillonnée par les souffrances, les persécutions, les calomnies, les maladies, ce qui bien rarement doit manquer à ceux qui s'élèvent à cet état, si elle est amollie par un parfait détachement de tout intérêt propre, l'eau du ciel la pénètre à une telle profondeur, que presque jamais on ne la voit souffrir de la sécheresse. Mais si cette âme tient encore à la terre, si, hérissée d'épines, comme je l'étais au commencement, elle n'a pas encore renoncé aux occasions, et ne témoigne pas à Dieu la reconnaissance que mérite une aussi haute faveur, la sécheresse viendra la désoler comme auparavant. Qu'alors le jardinier vienne à se négliger, et que le Seigneur par pure bonté n'envoie pas une nouvelle pluie, tenez le jardin pour perdu. Ce malheur m'étant arrivé plusieurs fois, j'en suis maintenant encore saisi d'épouvante, et jamais, sans cette expérience personnelle, je n'aurais pu le croire. Je me plais à l'écrire pour la consolation des âmes faibles comme la mienne, afin qu'elle ne se désespère jamais, et qu'elle ne cesse point de se confier en la miséricorde infinie de Dieu. Quand bien même, après avoir été élevée par le Seigneur à un état si sublime, elle tomberait, qu'elle ne se décourage pas. Si elles ne veulent pas se perdre tout à fait, les larmes peuvent tout gagner, et une en attire une autre. Voilà une des principales raisons qui m'anime, étant telle que je suis, à obéir à l'ordre qu'on m'a donné d'écrire ma triste vie, et d'exposer au jour les faveurs dont Dieu m'a comblé, malgré mes infidélités et mes offenses. Aussi souhaiterais-je en ce moment que mes paroles eussent assez d'autorité pour que l'on fût obligé de me croire. Plaise au Seigneur de m'accorder cette grâce, je l'en supplie de toute mon âme. Je le répète donc, que nul de ceux qui ont commencé à faire oraison ne se décourage jamais, en disant, « Si je retombe dans mes fautes, il serait pire pour moi de continuer ce saint exercice. » Et moi, au contraire, je suis persuadé que le pire serait d'abandonner l'oraison et de ne pas se corriger. Mais quiconque y persévérera, on peut m'en croire, arrivera au port du salut. Le démon me tendit à ce sujet le piège le plus perfide. Il me persuada qu'étant aussi imparfaite que je l'étais, je ne pouvais, sans manquer d'humilité, me présenter à l'oraison. Je l'abandonnai alors pendant un an et demi, au moins pendant un an, car pour les 6 mois de plus, je ne m'en souviens pas bien. Par là, de moi-même, je m'étais mise en enfer, sans qu'il fût besoin du démon pour m'y entraîner. Au ciel, quel effrayant aveuglement, et que l'ennemi du salut va droit à ses fins en portant ses efforts de ce côté. Son intérêt est engagé, car il sait bien, le traître, qu'une âme qui persévère dans l'oraison est perdue pour lui, et que toutes les chutes où il l'entraîne, loin de lui nuire, servent par la bonté de Dieu à lui faire prendre ensuite un plus vigoureux élan à son service. Ô mon Jésus, quel spectacle que celui d'une âme tombée de cette hauteur dans quelque péché, et miséricordieusement relevée par votre main divine, comme elle reconnaît, d'un côté, vos grandeurs et vos miséricordes infinies, et de l'autre, la profondeur de sa misère. Elle s'anéantit à la vue de vos perfections, elle n'ose lever les yeux en votre présence, et néanmoins elle les attache sur vous pour apprendre ce qu'elle vous doit. Elle se tourne avec faveur vers la Reine du Ciel et la prie de vous apaiser, elle invoque les saints qui tombèrent après avoir été appelés par vous, et leur demande secours. Dans chacun des dons que vous lui faites alors, elle trouve un excès de libéralité, parce qu'elle se reconnaît indigne que la terre la soutienne, comme elle vole au sacrement. Avec quelle foi vive elle découvre la vertu que vous y avez renfermée? Comme elle vous bénit de nous avoir laissé un tel remède, un baume si précieux, qui non seulement adoucit nos plaies, mais les fait même disparaître. Elle demeure frappée d'étonnement à l'aspect de toutes ces merveilles. Et qui donc, Seigneur de mon âme, ne serait saisi de stupeur, en vous voyant répondre par une telle miséricorde et une si extrême bonté, à une trahison si honteuse et si abominable? Vraiment, connaissant ce que j'ai été, je ne sais comment, en écrivant ceci, je ne sens pas mon cœur se fendre, et je croirais, par ces petites larmes que je verse devant vous, larmes que vous faites couler, mais qui par elles-mêmes ne sont que l'eau d'une source corrompue, je croirais réparer ces trahisons si nombreuses, ces fautes continuelles, et les efforts que je faisais pour ruiner l'ouvrage de votre grâce dans mon âme. Ô mon Dieu, donnez quelque valeur à ces larmes, et rendez limpide une aussi trouble. Faites-le, quand ce ne serait que pour prévenir dans les autres la tentation que j'ai eue de juger témérairement. Je vous disais au fond de mon âme, pourquoi, Seigneur, n'étant religieuse que de nom, suis-je comblée par vous de ces grâces que vous refusez à des âmes si saintes, qui ont toujours travaillé à vous servir, des âmes consacrées à vous dès leur tendre jeunesse, et qu'ils sont de véritables religieuses? Je pénètre maintenant, ô mon souverain bien, la cause de votre conduite. J'étais faible, et vous m'avez accordé ce secours. Ces âmes étaient fortes et désintéressées, sans ces faveurs elles se montraient généreuses dans votre service. Et vous voulez leur réserver la récompense tout entière au sortir de cette vie? Vous savez, ô mon Dieu, qu'un cri montait souvent vers vous du plus intime de mon cœur, pour excuser les personnes qui parlaient contre moi, trouvant qu'elles n'avaient que trop sujet de le faire. Déjà, il est vrai, à cette époque, votre bonté prêtant son appui à ma faiblesse, je ne vous offensais plus autant. Et je travaillais à éviter tout ce que je croyais devoir vous déplaire. À peine vous avais-je donné ce gage de fidélité, que vous commençâtes, Seigneur, à ouvrir vos trésors à votre servante, vous n'attendiez de moi, ce semble, que la bonne volonté et la préparation, tant vous fîtes paraître de promptitude, non seulement à m'enrichir de vos dons, mais à vouloir qu'ils fussent connus. Aussi commença-t-on dès lors à avoir bonne opinion de celle dont la profonde misère n'était pourtant pas connue de tous comme elle aurait dû l'être, quoiqu'elle perçât tant au dehors. Ce fut en même temps le signal des murmures et de la persécution, et, à mon avis, je le méritais bien. C'est pourquoi je n'avais de ressentiment contre aucun de ceux qui me condamnaient. Je vous suppliais, au contraire, de considérer qu'ils avaient raison d'agir de la sorte. Je voulais, disait-on, passer pour sainte, j'inventais des nouveautés, moi, si éloigné encore d'accomplir toute ma règle, et d'égaler en vertu les religieuses si bonnes et si saintes qui vivaient dans le monastère. Je l'avouerai, Seigneur, jamais je n'atteindrai à leur perfection, si votre bonté ne fait tout par elle-même. Hélas, loin d'imiter leurs exemples, je n'étais bonne qu'à faire disparaître les coutumes édifiantes, et à leur en substituer de mauvaises. Du moins, je faisais ce que je pouvais pour les introduire, et pour le mal, mon pouvoir était grand. C'était donc sans aucune faute de leur part que les religieuses et d'autres personnes du dehors me condamnaient. Elles me découvraient des vérités que j'ignorais, ainsi le permettait votre sagesse. Un jour entre autres, en disant les heures, cette tentation sur la distribution de vos faveurs agitait mon âme, étant arrivée à ce verset, « Vous êtes juste, Seigneur ». Et vos jugements sont remplis d'équité, Psaume 119, 137, je me mis à considérer combien ces paroles étaient véritables, car en ce qui regarde la foi, jamais le démon n'a eu le pouvoir de me tenter. Jamais, Seigneur, je n'ai douté que vous ne fussiez la source de tous les biens, jamais je n'ai hésité sur aucune des vérités que je devais croire. Au contraire, plus elles sortaient de l'ordre naturel, plus ma foi y adhérait avec force et plus je sentais croître ma dévotion. Je savais que vous êtes tout puissant, et je ne m'étonnais d'aucune de vos merveilles. Je me plais à leur dire, je n'ai jamais douté. Pensant donc alors en moi-même comment il pouvait se faire que, récompensant avec justice des âmes qui vous servaient très fidèlement, comme je l'ai dit, vous ne leur donniez cependant pas les délices et les faveurs que vous m'accordiez malgré mon indignité, vous me répondîtes, Seigneur, contente-toi de me servir, et ne t'occupe point de cela. Ce furent là les premières paroles que j'entendis de vous, aussi me causèrent-elles un grand effroi. Devant traiter plus tard de la manière dont ces divines paroles se font entendre, ainsi que de quelques autres points, je n'en dirai rien ici, ce serait sortir de mon sujet, et déjà, si je ne me trompe, j'en suis bien loin, car je ne sais presque plus où j'en suis. Il faut, mon Père, que vous me pardonniez des interruptions inévitables pour moi. Certes, il n'y a rien d'étonnant qu'à la vue de cette ineffable patience de Dieu à mon égard, et de l'état où je suis maintenant par sa grâce, je perde le fil de mon discours. Plaise au Seigneur que mes écarts soient toujours de ce genre-là, plutôt que de permettre qu'il y ait dans ma vie un seul instant où je lui sois rebelle, je l'en conjure, qu'à cet instant même il me réduise en cendres. Il suffit, pour montrer l'excès de sa miséricorde, qu'il m'ait, non pas une, mais plusieurs fois, pardonné une si grande ingratitude, souvent il est renouvelé en ma faveur un pardon qu'il n'accorda à Saint-Pierre qu'une seule fois, aussi le démon n'avait que trop sujet de me tenter, en m'insinuant que je ne devais point prétendre à l'étroite amitié de celui avec lequel je vivais dans une rupture si ouverte. Quel aveuglement pouvait être comparable au mien? Où avais-je l'esprit, ô Monseigneur lorsque, hors de vous, j'espérais trouver un remède? Quelle folie de fuir la lumière, pour heurter à chaque pas dans les ténèbres! Et quelle humilité superbe le démon s'avait inventée pour me faire abandonner l'oraison, cette colonne, ce bâton, dont l'appui devait me préserver d'une aussi grande chute. Maintenant encore, je ne puis sans effroi me rappeler cette invention qu'il me présentait sous une couleur d'humilité. À mes yeux, c'est le plus grand péril que j'ai couru dans ma vie. Voici les pensées qu'il me mettait dans l'esprit, et quoi, si mauvais après tant de grâces reçues, pouvais-je encore m'approcher de l'oraison? Ne devait-il pas me suffire de faire, comme les autres, les prières de règle, et m'acquittant si mal de celles-ci, n'était-ce pas témérité de vouloir en faire davantage, oser y prétendre? C'était montrer bien peu de respect pour Dieu, et bien peu d'estime pour ses faveurs. Sans doute, il était bien de voir et de comprendre mon indignité, mais en tirer cette conséquence pratique, voilà ce qui fut un très grand mal. Soyez béni, Seigneur, qui avez daigné y apporter le remède. C'est là, je crois, le commencement de la tentation par laquelle le démon perdit Judas. Seulement le traître n'osait pas m'attaquer d'une manière aussi ouverte, mais en s'insinuant peu à peu, il aurait fini par me faire tomber dans l'abîme où il l'avait précipité. Pour l'amour de Dieu, que tous ceux qui s'adonnent à l'oraison fassent attention à ceci, qu'ils le sachent, tout le temps que je l'abandonnais, Ma vie fut remplie de beaucoup plus d'infidélité qu'auparavant, on peut juger par là de la bonté du remède que me donnait le démon, et du plaisant résultat de cette humilité, qui ne produisait en moi qu'un trouble effrayant. Et comment mon âme aurait-elle pu se reposer en paix, lorsqu'elle s'éloignait, l'infortunée, de celui qui était son repos, emportant la pensée toujours présente de ses grâces et de ses faveurs, et voyant d'autre part le dégoût que méritent les plaisirs de la terre? Je m'étonne d'avoir pu supporter un pareil état. Ce qui sans doute me soutenait, c'était l'espérance de reprendre l'oraison. Car en interrogeant mes souvenirs sur cette époque, dont déjà plus de 21 ans me séparent, je trouve que je nourrissais toujours dans mon cœur le ferme dessein d'y revenir. Mais j'attendais pour cela que mon âme fût tout à fait exempte de faute. Au ciel, dans quelle voie funeste me jetait cette espérance, le démon m'y aurait bercé jusqu'au jour du jugement, pour m'entraîner ensuite dans l'enfer, car si, auparavant, l'oraison et la lecture, les lumières que j'y puisais sur mon infidélité, les larmes même dont souvent j'importunais notre Seigneur, ne pouvaient me rendre victorieuse de ma faiblesse, en abandonnant l'oraison, en vivant au milieu de vains passe-temps et des occasions d'offenser le Seigneur, n'étant presque soutenu de personne, ou plutôt, j'oserais le dire, ne rencontrant de secours que pour m'aider à tomber, que pouvais-je espérer, sinon le sort dont j'ai parlé? Je crois qu'un religieux de l'ordre de Saint-Dominique, homme d'un éminent savoir, pervint sans baron, confère chapitre 5 et 7, a beaucoup mérité devant Dieu, pour m'avoir retiré d'un tel sommeil. Ce père, comme il me semble l'avoir dit, me fit communier tous les 15 jours, dès lors le mal diminua, je commençai à rentrer en moi-même. J'offensais encore le Seigneur, mais enfin j'étais dans le bon chemin, et marchant à petits pas, tombant, me relevant, je ne laissais pas d'avancer, quand la marche n'est pas interrompue, quelque lente qu'elle soit, on arrive, quoique tard, au terme du voyage. S'égarer de ce chemin n'est autre chose, à mon avis, qu'abandonner l'oraison. Dieu nous en préserve par son infinie bonté. On le voit maintenant, et pour l'amour de Dieu qu'on y fasse une attention sérieuse, une âme qui reçoit dans l'oraison de si grandes faveurs ne doit point se fier à elle-même, ni s'exposer en aucune manière aux occasions, car elle peut tomber encore. Qu'on pèse cet avis, il est de la plus haute importance. En effet, l'artifice dont se sert ici le démon, même contre une âme véritablement favorisée de Dieu, est de chercher, le traître, à tourner le plus qu'il peut contre elle les grâces qu'elle reçoit. Et il agit ainsi de préférence avec des personnes qui ne sont encore ni fortes dans les vertus, ni avancer dans la mortification et le détachement. Or, les âmes dont je parle, quelque grand que soient leurs désirs et leurs résolutions, ne sont pas encore assez fortes pour pouvoir s'exposer, comme je le dirai plus loin, aux périls et aux occasions. Ce que je recommande ici est une excellente doctrine, elle n'est pas de moi, c'est Dieu qui nous l'enseigne. Aussi je souhaite que des personnes ignorantes comme moi en soient instruites. Quoiqu'une âme soit élevée à cet état, elle ne doit point présumer de ses forces jusqu'à se présenter d'elle-même au combat. C'est assez pour elle de se défendre. Elle aura même besoin d'armes pour soutenir les assauts des démons, tant elle est incapable de les attaquer et de les abattre à ses pieds, comme le font ceux qui sont parvenus aux états dont je parlerai dans la suite. Voici comment le démon enveloppe une âme dans son réseau. Cette âme se voit près de Dieu, elle découvre la différence des biens du ciel et de ceux d'ici-bas, elle aperçoit tout l'amour que son Dieu lui témoigne, et, à la vue de cet amour, Elle se livre à une telle sécurité qu'elle croit ne pouvoir jamais perdre le bonheur qu'elle possède. Elle a une vue si claire de la récompense qu'il lui semble impossible de renoncer à une félicité si délicieuse et si suave dès cette vie, pour une chose aussi abjecte et aussi dégradante que les plaisirs de la terre. C'est de cette sécurité que le démon se sert, pour lui faire perdre la défiance qu'elle doit avoir d'elle-même. Ainsi, comme je l'ai dit, cette âme se jette dans les dangers, et elle commence, avec un zèle pur sans doute, à distribuer sans mesure les fruits de son jardin, persuadée qu'elle n'a plus rien à craindre. Ce n'est pas néanmoins par orgueil qu'elle agit de la sorte. Elle sait qu'elle ne peut rien d'elle-même, mais elle cède à une confiance en Dieu qui n'est point réglée par la discrétion. Elle ne considère pas qu'elle n'est encore qu'un jeune oiseau aux ailes débiles, elle peut bien sortir du nid, et notre Seigneur l'en tire quelquefois, mais elle est incapable de voler. Ses vertus ne sont pas encore assez fortes, elle manque d'expérience pour connaître les dangers, et elle ignore quel dommage elle reçoit en se confiant à elle-même. Telle fut la cause de ma ruine. On voit par là combien sur ce point, comme sur tous les autres d'ailleurs, on a besoin d'avoir un maître, et de communiquer avec des personnes spirituelles. Je crois pourtant que lorsque notre Seigneur élève une âme à cet état, il continue de la favoriser, et ne permet pas qu'elle se perde, à moins qu'elle ne s'éloigne entièrement de lui. Mais encore une fois, si elle tombe, qu'elle se souvienne, je l'en conjure pour l'amour de Dieu, qu'elle se souvienne de ne pas donner dans le piège du tentateur, qu'elle se garde bien, par une fausse humilité, d'abandonner l'oraison, comme je l'ai fait moi-même, ainsi que je l'ai dit et que je ne saurais trop le redire. Qu'elle se confie en la bonté de Dieu, elle est plus grande que tout le mal que nous pouvons faire. Il oublie nos ingratitudes, du moment où, touchés de repentir, nous voulons rentrer en amitié avec lui. Les grâces qu'il nous a faites, loin de provoquer ses châtiments, le portent à nous accorder plus promptement le pardon, car il nous regarde comme des enfants de sa maison, et se souvient que nous avons, comme on dit, mangé le pain de sa table. Que ces âmes se rappellent les paroles de ce divin maître, et considèrent la manière dont il en a usé envers moi. Je me suis plutôt lassé de l'offenser qu'il ne s'est lassé de me pardonner. Non, jamais sa main ne se fatigue de donner, et jamais la source de ses miséricordes ne peut être épuisée. Ne nous fatiguons donc jamais de recevoir, qu'il soit béni à jamais. Amen. Et que toutes les créatures célèbrent ses louanges. Le livre de la vie. Hagiographie de Thérèse d'Avila. Marc M. Dan, archive.org. D'après Roland Soyer, livremystique.com. Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial. Partage à l'identique.